camion là. Saute là, saute là. Baby mama, c'est un problème. Ya, ya, ya, ya. Let's go now. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Salut la fille. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Il t'es qu'est foutu au bon. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou. Nous filmons en pas tous, point où t'es qu'à point ça. Maman peut pas pour ça, pas si pas les vieux pour ça. Si maman si, si tu voyais sa vie, il y a la toute vie sous tes que foutre mon senti. Si maman si, si tu voyais ta fille, t'es qu'à prendre mon outil, qu'on veut pas les mal foutu. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope. Salut le fils. Si maman t'es sale, Jean, ou t'es salope, il t'es qu'est foutu au bon. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, maman. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, maman. Polesti, Polela, yo veux web Nicolas, Aminu Kabwe Nicolas, mais me quand t'es qu'à faire là, à part où nos gars t'es qu'à jouer, pas chivé à Wampach, les guinons on est tout, et vous j'allais voir qu'à sortir. Si maman t'es savé, l'on senti qui j'en sais qu'à passer. Sale Jean ou t'es salope. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Salut le fils. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Il t'es qu'est foutu au bon. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, maman. Voyez bail bouillon la montée, ta maman t'attend à l'entrée. Cassé, yo pogné en bas, et puis ça ou allez en. Oh la ou allez en. Promenons nous dans les bois, nous t'en vous coquille en. Et puis qui ça ou allez en. Oh la ou allez en. Promenons nous dans les bois, nous t'en vous coquille en. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope. Salut les filles. Si maman t'es sale Jean ou t'es salope, il t'es qu'est foutu au bon. Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, coucou